وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Et que les éloges et le salut soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'auront suivi excellemment et ce jusqu'au jour du jugement. Nous continuons avec l'explication de la surat al-Fatiha. Lors de notre dernier cours, nous avions pris l'explication de al-Isti'adha, la demande de refuge, et l'explication du sens al-basmala, la formulation bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, il dit alhamdulillahi rabbil alamin, le premier verset, qui signifie, selon la traduction de ses sens, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'est-ce que la louange? Très souvent, on constate que, bien que ce soit une formulation que nous disons sans cesse, continuellement, beaucoup de musulmans sont en difficulté quant au fait de définir qu'est-ce que la louange. C'est le fait de faire les éloges d'Allah pour ses attributs de perfection, ses noms parfaits, ses actes qui ne sont que justice et bienfaisance, tout cela avec amour et vénération. Sans amour et vénération, ça ne serait que des éloges. Mais quant à l'éloge se mêlent l'amour et la vénération, cela devient de la louange. Et cela car il, Allah, est le seul à les mériter, car il est le bienfaiteur par excellence, le donateur suprême. Il est celui qui nous a donné vie, santé, parents, enfants, épouses, époux, subsistance. Il est celui qui nous accorde guérison, nous délivre des épreuves. Ses bienfaits à notre égard sont innombrables. Et tout ceci car il est le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire celui qui a tout créé, qui donne vie, fait mourir, accorde les bienfaits de toutes sortes. Il est celui qui gère cet univers seul, sans associé. Et qu'est-ce que l'univers? L'univers est toute chose en dehors de lui. Donc, parce qu'il est le Seigneur de cet univers, il est celui seul, sans associé, qui mérite toutes les louanges. Et cela doit provoquer en nous l'amour à son égard, car tout bienfait que nous possédons provient de lui uniquement, tous les bienfaits sans exception. Les bienfaits auxquels nous pensons, jusqu'aux bienfaits auxquels nous ne pensons même plus, comme le fait de respirer, comme le fait de se lever le matin après une nuit de sommeil. Tous les bienfaits proviennent d'Allah. Et cela ne peut qu'augmenter notre amour à son égard. Nous nous contentons de cela pour ce cours et nous prendrons, Inch'Allah, dans un cours prochain, l'explication du deuxième verset. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.